De l'huile dans les rouages sur Fadjet. De l'huile dans les rouages, après avoir parlé de comment gérer ses émotions fortes, eh bien nous retrouvons aujourd'hui Noémie pour parler émotions et besoins. C'est quoi le lien entre les deux ? Alors, voilà, le lien entre les émotions et les besoins, c'est qu'une émotion s'exprime à partir du moment où un besoin est satisfait ou non. Donc, nos émotions désagréables nous signalent qu'un besoin n'est pas satisfait, ou plusieurs. Et nos émotions agréables nous signalent qu'ils sont satisfaits. Alors, comment tu définis un besoin ? Alors, les besoins, c'est une sorte de force motrice, un élan de vie qui nous pousse vers l'équilibre. C'est important d'avoir des besoins pour avancer, pour se mettre en mouvement. Et c'est ce qui va nous garantir, quand on les remplit, notre bien-être et notre épanouissement. Et on a un peu tous les mêmes besoins ? Alors, les besoins sont universels, mais on n'a pas tous la même façon de les prioriser. Chez Maslow, la première personne qui en a parlé, il avait formulé ça sous forme de pyramide en disant qu'à la base, il y avait les besoins physiologiques, puis des besoins de sécurité, d'appartenance et après d'estime de soi et de réalisation. Mais aujourd'hui, ça a été revu parce que voilà, chacun d'entre nous peut les prioriser d'une manière différente selon nos journées, selon les passages de notre vie. Alors comment on va faire la différence entre une stratégie et un besoin ? Alors voilà, ça c'est très important. Souvent on dit, voilà, j'ai besoin que tu m'appelles, j'ai besoin de te voir ou des choses comme ça. En réalité, ça c'est une stratégie. Les besoins, c'est quelque chose de général et générique. Par exemple, j'ai besoin de repos. Comment je vais satisfaire mon besoin de repos ? Eh bien, je peux dormir, je peux boire un café et me poser, je peux écouter de la musique. En fait, ce besoin-là, il est universel, il est indiscutable, mais la stratégie, elle va différer chez chacun d'entre nous. Mais en quoi c'est important et à quoi ça va servir de savoir ça sur les besoins ? C'est-à-dire que quand on trouve le côté générique d'un besoin, quand on l'identifie, on va pouvoir mieux prendre soin de soi et on va pouvoir être acteur de son équilibre. Donc moi, je vais vous inviter aussi à passer par la case auto-empathie pour apprendre à identifier vos émotions puis vos besoins. Bon, je sens que l'auto-empathie fera partie d'une prochaine chronique. Voilà, c'est ça. Merci. Merci à toi. Si vous avez envie que l'on aborde des sujets précis, des questions à poser, des témoignages à partager concernant les outils évoqués, écrivez-nous à contact@fadjet.net.